24K Virgin Face, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Ok. 1-1. Si j'écris tant de couplets, c'est pour noyer ma peur. Si je m'esquive au complet, c'est pour partir ailleurs. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, laisse-la moi, ma part d'ombre est enfuie. On aimerait choisir sa vie, c'est pas le cas a priori. Quand tu vois que certaines familles dorment encore le ventre vide, ça fait mal, c'est injustice qui décime sans cesse le peuple. On débat les artifices, mais ça seul les riches le peuvent. Un immigrant expulsé parce qu'il n'avait pas de papier, ou bien ce jeune colombien mort à force de travailler. Plaignons-nous pas, il y a toujours pire ailleurs. N'oublions pas le massacre des tirailleurs. Mais t'inquiète, on est là, même au prix. Mais la fierté de nos frères reste encore dans nos pensées. Les douleurs qu'on afflige restent graves, et ne l'oublions pas que la haine nous a percés. Jusqu'à la mort, n'oublions pas de rester fort. Face à la mort, on a eu peur de partir, la tête remplie de souvenirs. Jusqu'à la mort, n'oublions pas de rester fort. Face à la mort, on a eu peur de partir, rempli de souvenirs. Chaque jour on taffe dur, à en souffrir. À de nombreuses reprises on a perdu le sourire. Voilà pourquoi je combattrai jusqu'à la mort. Pourquoi si je crie chaque jour, c'est pour que je m'en sorte. Quand je pense que nos parents ont combattu, ont défilé dans les rues croyant que nos droits seraient défendus. Au manque de respect du président, qui se fout de la France et qui expulse les résidents. Dis-moi qui a construit nos thèses, hein. Dis-moi pourquoi on dit de moins en moins je t'aime. Pourquoi l'amour est incertain, pourquoi je pleure. Pourquoi j'ai mal et au fond pourquoi j'ai peur. Y'a tout à refaire ici, voilà ce qui nous attriste. Je mène jusqu'à la mort ma charmante vie d'artiste. Et un jour je pars, c'est pour m'évader dans les cieux. Parce que la douleur que je lâche est dans les larmes de mes yeux. Jusqu'à la mort, n'oublions pas de rester fort. Face à la mort, on a eu peur de partir, la tête remplie de souvenirs. Jusqu'à la mort, n'oublions pas de rester fort. Face à la mort, on a eu peur de partir, la tête remplie de souvenirs. Face à la mort, on a eu peur de partir. Jusqu'à la mort, trop nos frères ont dû souffrir. Face à la mort, qu'on construise putain d'avenir. C'est dur, c'est vrai, mais c'est un bonhomme qui va se construire. 24K, Virgin Face.